s'est réveillé quand il vous joue au ballon. Quand il s'y fait, rien ne les résiste. Les anges espionnent la tête à l'Afrique. Au nom des ancêtres, ils veulent toujours. Les anges abaissés, toujours en avant. On est tous derrière vous, allez du courage. Les anges abaissés, toujours en avant. Au nom des ancêtres, ils veulent toujours. Président d'honneur Emmanuel Mefane, vice-président Jean Ovono et son nom. Président actif Luc Mara Abila et le vice-président actif Ondomae. Les anges ABC, l'équipe est championne de la sœur du Gabon. Les anges ABC, l'équipe est championne de la sœur du Gabon. Secrétaire Ayang Paul Sek, adieu Odonou Roger, trésorier Biga. Odonou ensuite délégué, dans sous lui, lui ton Vigo Nyanya. Moussavou Omer, lui d'Auvergier, et Nam Simon. Amoussou et toi, les anges ABC, l'équipe est championne de la sœur du Gabon. Les anges ABC, l'équipe est championne de la sœur du Gabon. Papa Inyanga, Amoussou fier, entraîneur et Sambaï, toujours en avant. Les anges ABC, l'équipe est championne de la sœur du Gabon. Gogo et Akwe, Mikala et le roi, Apenda et Touka, Mugengi et Sosa, et Gonzongo et Mobeyi, Bidone, Moussa vous saoulé. Les anges ABC, l'équipe championne de la sœur du Gabon. Les anges ABC, l'équipe championne de la sœur du Gabon. Obame, Maye, Abou Abami et Bekale, Chibina et Kunate, Chouandong et Gemba, Kojofa. Les anges ABC, l'équipe est championne de la sœur du Gabon.